ya kukukana nzambo yo. Azanga papa, azanga mama, amikela ye moko. Nzambo ya kukaila motote, ya kato tatula ye. Yawe molongi nanga, kolonga ina ye. Mosuso jalite oya kukikolongi sanga. Mobele yone mokilele mana kolonga, yangolongi sanga. Na yo, nalingi olata esprit ya foi ya balongi ya ba vainqueur. Est-ce que vainqueur moko azali awa? Yoka ngai nyonso monde atene belobaki ya mabe mpo na yo. Elobaki non pour la santé, non pour la libala, non pour la mosala, non pour la projet na yo. Mais nzambo to tato la sali nzambe ya balongi. Azo tato la ma oui, c'est possible. Tika nyonso elaki non la bomo na yo koma oui, tato la oui. Oui pour la libala na yo, oui c'est possible pour la mosala na yo. Oui pour la projet na yo, oui pour la bêtise na yo. Oui c'est possible pour la affaire na yo. Oui c'est possible pour la santé na yo ke beli boso. Oui c'est possible pour la kobota na yo. Non, o balwana bomo na yo e quoi ça ma au nom puissant de Jésus. Benzamboyo azali nzambo ya tato la maka. Azo changer malédiction en bénédiction. Come on, changer ma Jésus-Christ, tu seras sauvé. Ni makaka yokobika, ni makaka elonga ezali. Crois, oui, c'est possible. Oh, la demande.